RQC. Allô, il est 20h. C'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Sylval. Oui, bonsoir, monsieur Scream. Alors, comment tu vas? Bah, comme un lundi matin, comme un lundi de reprise du taf, quoi. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà. Bon, le temps un peu rafraîchi, hein. Ouais, quand même, hein, quand même. Si. Mais bon, on va pas se plaindre, on a encore travaillé bras nus. Bras nus, hein. J'ai pas dit tout nu. Hein. Ouais. Voilà, sinon en forme. Oui, as-tu passé un bon week-end? Ah oui, et toi, ton petit concert? Oui, bah ça s'est bien passé. Écoute, Chris Holmes, on reviendra après. Tu verras, j'ai pas mal d'anecdotes à te raconter là-dessus. Voilà. Quand même. Chris Holmes, pour ceux qui ne le savent pas, ancien guitariste de Wasp. Wasp, oui. Voilà. Alors, au programme de cette émission, beaucoup de nouveautés, bah, comme toujours. Mm-hmm. Et vers 20h30, on aura Yves, le bassiste de Nightmare, qui va nous appeler pour faire une interview sur leur nouvel opus, qui est une tuerie, qui sort au mois de novembre, on a eu l'occasion de découvrir en stoomeling, comme on dit, en cachette, voilà. Mmh. Mais on vous parlera de tout ça tout à l'heure. Le slasher n'est pas là, mais... Ça va faire un vide. Ça va faire un vide, surtout le cas dans le studio. Mais bon, on a quand même sa slasher song. On aura bien entendu la Sylval song aussi. Tout ça, bien entendu, ça va être condensé sur deux petites heures d'émission. On va commencer avec un nouvel album qu'on attend tous avec impatience. Mm-hmm. Eux aussi, ils seront en concert à Lille, mais je n'ai plus la date en tête. C'est les Airboone. Oui. Ça déboîte à fond. Et l'album s'appelle Break in Outta Hell. J'en avance sur toi, moi. Tu les as vus. Moi, je les ai entendus, mais je les ai pas vus. J'avais pas envie de me déplacer, il y avait trop de monde. Mais c'est vrai que ça déboîte quand tu les vois, ouais. C'est un fou. Là, je les ai vus il y a pas longtemps. Ah ouais, on était pas sur les mêmes dates, nous. Non, moi, c'était l'année avant. Donc, mais bon, c'est un groupe. C'est du AC/DC, tu fermes les yeux, c'est du AC/DC. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a beaucoup de slam aussi. Hein, ah ouais. Ça bouge bien. Hein. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Au moins, les trois premières chansons qu'on puisse shooter. Allez, on va commencer avec Airboone, avec Down. En New et Poipre, on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Voilà, voilà, voilou, c'est les Airboon avec Down on You, extrait de l'album Breaking Out of Hell. Franchement, ouais. Je kiffe. Donc, je kiffe. J'ai retrouvé la date au passage. Et c'est 12 décembre. Voilà, et là, vous nous verrez. Donc, Aéronef. Hein. Voilà. Vous nous verrez, et là, je ne dirai pas non si vous m'offrez un verre, ce sera mon birthday 6 jours plus tard. Non, mais je dis ça comme ça, mais on se verra, c'est sûr et certain. Airboon, laissez pas passer, ça déboîte ouais. De chez déboîte. Ouais, ça, c'est ça sûr. Bouge bien, ça. Ouais, du bon rock'n'roll. Ouais. Ils sont gentils. Ouais. Et c'est pareil, hein. Restez sur le devant de la scène, à un moment donné, il va vous secouer une canette, vous allez en prendre plein la tronche. Ça, c'est sûr. J'ai rien pris, moi, j'ai pris des slams, par contre. Des slams. Mais là, je sais bien qu'il s'amuse à trouver une canette. Ouais, et... Voilà, bon, c'est rock'n'roll, voilà, mais bon, faut après, quand on sort, qu'il ne fasse pas trop froid. Le prochain, c'est américain, ça s'appelle Ichabod Crane, l'album s'appelle Beyond Eternity, et on va s'écouter Black World. Moi, ça me fait marrer parce que Ichabod Crane aussi, c'est inspiré d'un film Chasseur de sorcières, donc à mon avis, on sent peut-être un peu inspiré de tout ça, mais la pochette, elle est pas mal, elle est sur la page Rive d'Enfer, on va s'écouter Ichabod Crane, après on arrivera avec une nouveauté aussi que tonton Roger nous a envoyé. D'accord. Et on aura bientôt une interview aussi d'un des protagonistes de cet album. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ichabod Crane. Now your world is black. Voilà, donc c'est Ichabod Crane, un peu c'est du power. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça bouge bien quand même. Ça bouge bien et c'est américain. Voilà, c'était avec le titre Black World. Alors le prochain, bah, c'est une petite nouveauté que tonton Roger nous a envoyé. C'est un, on va dire ça, un duo. Mmh. C'est Yann Armellino et El Bucho, ex-Watcha, ex-Pleasure Addiction. L'album s'appelle Better Way. La pochette elle est assez sympatoche. Et on va s'écouter un extrait de cet album. On va s'écouter le titre éponyme de cet album, Better Way. Bientôt, on aura Bucho au téléphone pour nous parler un petit peu de cet ouvrage qui est vraiment bien. On se replonge un peu dans les années 70, comme ça. 85, dans les années 80. Bah, c'est un peu la marque de fabrique de Bucho quand je l'avais eu une fois au téléphone. Ouais, et... Il aime bien tout ce qui est hard rock et tout voilà, ça, lui. Du bon métal. Enfin, je dis pas que le métal moderne est mauvais, mais plus notre époque et on sent ses influences. Les goûts, les couleurs. Hein. Tout à fait, et on sent ses influences. Mmh. Donc, on va s'écouter et tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs. Oh, voilà. Alors, très cher Sylval, que penses-tu? Écoute, moi, j'adore. Hein. T'adores? Franchement, ouais, c'est mon style. C'est la cam. Hein. Que j'écoute. Enfin, c'est la cam, c'est notre musique, parce que les gens ne vont pas croire que. Voilà. Donc, c'était Yann Armilino et El Bucho, donc Ex-Watcha, Ex-Pleasure Addiction. L'album s'appelle Bitter Ray. On s'est écouté le titre de, éponyme de cet album. Donc, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, on reconnaît un peu toutes les influences de, ouais. qui ont bercé un peu Bucho. Il y a un peu du Extreme sur une telle chanson. Il y a un peu du Van Halen sur une autre. Franchement, il est superbe. Et la dernière chanson, c'est Road to the Course, qui a le 13e titre, qui est un instrumental. D'accord. C'est un très très bon album, d'ailleurs je vais te le filer pour que tu puisses l'écouter. Ok. Et je suis sûr que tu vas en tomber amoureuse. Il va peut-être faire le tour de l'album même. précisons bien. Oui, précisons bien, voilà. Le prochain, c'est l'heure de la Slasher Song. Oula. Et le Slasher... Qu'est-ce qu'il nous a encore choisi? Eh ben, comme tu sais ce qu'on va voir dimanche, voilà, il n'y a pas D'accord. photo, il a choisi. Il a choisi tout simplement The Agonist. D'accord. Parce qu'on va aller voir dimanche. Et il adore, il aime bien. Il aime bien un peu le changement de voix, comme ça. Il aime bien aussi les femmes. Il est un peu comme son père. Bah, j'espère qu'il aime bien les femmes. Ouais. Il est un peu comme son père. Voilà. Bon, on espère qu'on pourra prendre une photo s'il n'y aura pas Spider-Man à côté. Voilà. On va s'écouter The Agonist donc pour le slasher. Il a choisi The Moment. C'est extrait de l'album 5 de The Agonist. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer la programmation musicale. Alors, c'est le slasher. Sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Voilà, donc c'est le slasher qui a choisi ça, donc The Agonist, The Moment. On va juste rappeler parce qu'on a dit qu'il venait en concert. À De Crun. À De Crun, on y sera. À Courtrai, donc. Ouais. De Crun, Courtrai, Belgique. Belgium. Voilà. Et c'est dimanche soir. Dimanche soir, donc au voilà. Au cas où. Si vous n'avez rien à faire, ou même si vous avez quelque chose à faire, prenez madame, prenez les enfants, et on y va. Les enfants, ouais. Ben nous, on y va bien, hein. Voilà, on est des grands enfants, nous. Voilà, donc c'est The Agonist, et ils seront en concert, donc dimanche, à De Crun. Tout à fait. Voilà, alors le prochain, donc, je rappelle, normalement, d'ici quelques minutes, on aura Yves qui va nous appeler pour l'interview de Nightmare au téléphone. Mm-hmm. On va s'écouter Missing Mile, c'est pas mal du tout, l'album s'appelle The Black Sheep, la pochette j'aime bien aussi, l'artwork, et on va s'écouter Snake Leather Jacket, et on se retrouve tout de suite après, normalement, là ce sera l'heure de commencer l'interview, on va croiser les doigts, voilà. Qui trouve bien le numéro de téléphone. Alors voilà, c'était Missing Mile. Toi, t'as aimé, hein? Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Snake Letter Jacket, c'est le titre. Voilà, et la cover, vous la retrouvez sur la page Rive d'Enfer. Bon, on a le petit quart d'heure diplomatique, c'est sûr et certain. On va d'abord s'écouter justement un titre des Nightmares, ça va les faire venir, ça va les faire téléphoner. L'album s'appelle Dead Sun, on va s'écouter le titre éponyme de l'album, et d'ici quelques minutes, le téléphone sonnera. Voilà, allez, Nightmares, Dead Sun, c'est tout de suite, c'est maintenant. Let there is Voilà, Dead Sun, c'est le titre de éponyme de l'album Nightmare, le nouvel album qui sortira le 25 novembre. Donc tu t'imagines, on a encore un peu de temps. Hein. Ouais, on a encore un peu le temps. Voilà. Bon, on espérait que ça les fasse venir. Ben bon, il y a toujours le cadre diplomatique. Hein. On espère qu'ils pourront nous téléphoner. Bon, ouais, il suffit qu'ils ont du retard ou. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ou un empêchement, on a prévu. Ou un oubli, hein, ça peut arriver. On n'est pas. Moi, j'oublie bien des choses des fois. Hein. Tout à fait. J'oublie de mon pantalon quand je vais au travail. Non, je rigole. Voilà, là, il est en slip en fait. Allez, on poursuit cette programmation musicale avec Raven Eye. L'album s'appelle Nova et on va s'écouter Supernova. It's in my head. That's what they say. That you can't be real. I'm misunderstood. But they don't know what I've been shown. And I feel the light. Feel you go. And overshows my face. Alors voilà, c'était tout simplement Raven Eye Supernova, extrait de l'album Nova. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, hein, c'est ça change chez Calm, mmh. c'est bien. Alors là, on va partir du côté de l'Islande avec un groupe. C'est assez marrant parce que un des musicos, c'est professeur de musique dans un établissement, fatalement. Et établissement scolaire, pas un prof de musique qu'on pourrait prendre des cours. Il s'amuse à donner des cours. Et ce que j'aime bien parce que c'est. Ils chantent dans leur langue et c'est un peu une musique un peu folk, mais je préfère peut-être ce genre de folk que certains autres groupes. Le groupe s'appelle Sky Mold et on va s'écouter le titre Asgardur. Par contre, je vais pas vous dire le titre de l'album parce que franchement, c'est sympa pour moi de vous le dire. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. C'est un endormir debout. Bon, d'accord. Yeah. Voilà, donc c'était Skalmold avec Asgardur. Ben, j'aime bien, c'est un peu côté folk comme ça. C'est bien, ça passe. Faut bien aimer. Hein. Voilà. Comme je dis, c'est un peu... Les goûts et les couleurs, encore ouais. une fois. Hein. Et puis comme on dit, je prends un peu ce côté-là, un peu comme on met des farandoles ou quoi. C'est un truc festif, on a envie de secouer la chope et voilà quoi. Alors, ça fait un peu style aussi, musique irlandaise. Voilà. Mmh. Voilà. Alors le prochain, on va s'écouter The Angry Cat. Mm-hmm. Mais c'est pas Angry Cat qui est sur la pochette, c'est pas. Il y a un toutou sur la pochette. C'est un toutou. Et c'est Ellie Productions. On fait un gros bisou à Ellie qui nous a envoyé cet album. C'est pas un pitbull ou un bull terrier ? Un bull terrier. C'est un bull terrier. Et donc elle nous a envoyé cet album. Ellie, on lui fait un gros kissou. Et on va s'écouter donc extrait de leur album qui s'appelle Atmosphere The Monster. On va s'écouter Put Your Hand in Mine. On se retrouve tout de suite après pour continuer cette programmation musicale jusqu'à 22h avec vous, Sidval et Scream pour l'émission Rive d'Enfer. The line, I'm not the one and only who wants you day and night and forever I'll appear with the sunset light. In the morning I will flee. Put your hand in mine if you lost for me. Put your hand in mine, I don't promise it's pour la vie. Seductive melody, the traveler's song will clear your bed and your body before the rise of the thunderstorm. The bad novel can't make us happy, we don't want it on our shelves. Good times, shoot a short story, keep the secrets to ourselves. Put your hand in mine if you lost for me. Voilà, c'était donc le groupe The Angry Cats avec le titre Put Your Hand in Mine, avec un petit peu des couplets en français avec Pour la vie, pour la vie. Il me semble. Pour la vie, ouais. C'est voilà. Parce qu'on était occupé à marquer un truc, mais j'avais voilà. Il n'y a pas des couplets en français. Voilà, donc. Ou alors c'est moi qui deviens dingo, mais. On ne devient pas, on l'est quand même. Un quand petit même. Peu. Voilà, j'ai bien aimé. Ouais. On remercie Ellie. Oui. Ellie ben Productions. Oui. Moi, j'aime bien. La petite Ellie qui fait son petit taf. Par-ci, par-là, et on lui souhaite bon courage, comme à chaque fois. Bonne bosseuse. Ouais. Mm. Voilà, elle nous fait découvrir des fois des choses qu'on ne connaît pas et qui passent un peu à l'as, et c'est un peu comme dommage. Wizo. C'était bien ouais. Chez elle, hein, Wizo. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ça aussi, j'aime bien. Enfin, bref. Ouais. Alors, le prochain, je crois que tu risques d'aimer. Ah. Snakehead Ritual. L'album s'appelle Ceremonial Thunder. Et on va s'écouter Strange World. C'est vrai que le monde est très très étrange pour le moment. Et je crois que depuis quelques temps, il part un peu en cacahuète ce monde. Oh, écoute, puis voilà. On en apprend tous les jours. Voilà. Allez, Strange World. Pas pour en écouter encore un titre. Bon, apparemment, il y a eu Maldon. Il y a eu Maldon, comme on dit chez nous. Maldon, c'est aussi une chanson, mais c'était un peu du zouk. Mais on va pas passer du zouk. La musique dans la peau. Non. mais c'est vrai qu'il y a eu Maldon. Donc les Nightmares, on calera une interview. Ultérieurement, ils vont peut-être appeler à 9h30, ils sont peut-être trompés d'une heure, on verra bien, mais il ne faut pas vous tracasser. On va recaler ça, on va resserrer les boulons. On va resserrer les boulons. Allez, Snakehead Ritual, c'est tout de suite, c'est maintenant. Thank you. Là, on peut dire qu'on se fait plaisir, hein, Sylvain. Ouais, ouais, si, c'est vachement bien. Ouais. Bah, c'est rock'n'roll, encore voilà. une fois. Hein. Et c'était le Snakehead Ritual avec Strange World. Alors, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter un titre. On va partir avec le groupe Kremlin. On va s'écouter. Donc, l'album s'appelle, le titre éponyme de l'album Kremlin. Et on va s'écouter le titre Lizard. Les lézards, pourquoi pas, lézards. Pourquoi pas, hein. Voilà, Kremlin, et on se retrouve tout de suite après, ça sera la balade crapuleuse, avec un bon petit groupe, malheureusement, qui n'existe plus, mais que j'affectionne. Ah bon, on écoutera ça. Ouais. Bon, on peut classer ça un petit peu du hard rock avec un petit peu un côté un peu psyché, un peu style à Palace Zodiac musicalement, tu vois. Ouais, j'aime bien aussi, moi, ça. Années 70, hein, ouais. Kremlin avec le titre Lézard. Il est exactement 21h dépassé de 2 minutes, presque 3 minutes à l'horloge studio. Et là, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc, c'est-à-dire que c'est la balade. Donc, si vous êtes accompagné dans la voiture, bah, vous vous stationnez, vous coupez les phares. Vous enlacez votre copine. Si vous êtes à la maison, bah, vous mettez les enfants au lit. Vous les mettez un bon coup de pompe. Ça, c'est la façon rock'n'roll, ça. Ou alors, si vous êtes, bah, vous mettez les enfants au lit. Et là, on va s'écouter un vieux groupe que j'affectionne. Ils n'ont pas fait beaucoup d'albums, malheureusement. Encore une fois, c'est un groupe, comme on dit, qui a percé, mais mal percé, si tu veux. Ils sont arrivés à l'époque où les... Et tu vas me dire, j'ai une dent contre ce genre de musique. Le grunge est arrivé avec Nirvana. Ah oui. Et où tout a été balayé et tous ces groupes ont été un peu soufflés comme par un tsunami. Par la nouvelle vague, par la nouvelle vague. Et voilà. Et pourtant, Dieu sait que c'était beaucoup mieux arrangé musicalement que le grunge. Mais je dis ce que je pense. Je vais me faire des amis, des ennemis. J'assume. Donc là, on va s'écouter les XYZ. Connor, il en avait déjà passé. Ouais, il avait passé c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Hein. Et il avait passé un titre de l'album Hungry, donc c'est le même album que j'ai repris. Et on va s'écouter la balade, donc qui s'appelle When in Fine in Love. Faut savoir que ce groupe aussi, donc c'est un groupe de LA, fatalement, beaucoup de groupes émanant de cette région. Los Angeles, il y avait quelqu'un qui jouait dedans. Et un Français, ouais, un Lyonnais. Ouais, je tombe plus sur le nom. Mais un Lyonnais qui jouait dedans. Voilà. Donc, voilà. Et on va s'écouter donc XYZ, la balade, et vous allez voir que même en balade, c'était pas mal. Voilà. Dreams I know too high. Voilà, c'était la balade crapuleuse avec, avec le titre de Wine in Fine Love. C'était le XYC, extrait de l'album Hungry qui était sorti en 1991. Et Sylva l'a retrouvé, donc c'était Pat Fontaine, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Bon, ils tournent encore. Hein. Mais pas. Bon, ils n'ont pas tourné dernièrement non plus, c'était 2013. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas par ici. Mais non. Donc, on va prendre le studio mobile et on va aller s'exiler aux États-Unis. Voilà. Ah bah écoute, ça serait peut-être bien. Voilà. Rico, donc si tu nous écoutes, on ne demande pas grand-chose. Ça va, Los Angeles. Los Angeles, un billet d'avion pour toute l'équipe. Et avec le retour quand même, hein, mais avec un mois d'hôtel, on se ferait plaisir pendant un mois. Allez, on rigole, mais bon. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est... l'album est arrivé aussi, qui s'appelle Resurrection, Operation Mindcrime, avec Taking in the World, du Govstedt à Tuton. C'est parti. Voilà, ça a écouté sans modération, ouais. Resurrection Ticking on the World, c'était Operation Mindcrime avec Gulf State. Exactement. Voilà. Donc là, on va encore s'écouter un titre, après on va arriver à la Silversong. On l'a un peu décalé aujourd'hui, tout simplement parce que tu as des choses à dire. Oui. Et on verra bien ce que tu vas nous dire. J'ai pas mal de petits trucs à raconter. Voilà, on va d'abord s'écouter Légion. Mais ne tracasse pas, parce que bon, Légion, généralement, ça fait penser à ben, des rétro-satanas. Ouais. On va s'écouter Warbeast, la guerre des bêtes. Et on va s'écouter Gypsy Dance, c'est ça qui est marrant, quoi. L'album s'appelle Warbeast, le groupe s'appelle Legion, et on va s'écouter Gypsy Dance. Eh ben voilà, on va voir si on danse. Voilà, on verra bien. Alors voilà, voilà, c'était Legion avec Gypsy Dance. Bon, on n'a pas envie de danser, mais bouger la tête. Hein. Ouais, et, c'est pas mal. Ouais. Et l'album, c'est War Beast. Alors, on se retrouve. Et par hasard, et tu n'as pas changé. Non, c'est encore une chanson, mais non, j'arrête mes conneries là aujourd'hui. j'ai mangé un clown. Allez, on se retrouve avec la Sylvalsung. Et là, je crois que tu as des choses à nous dire. Ouais, j'ai des choses à te raconter. Vas-y. Bah écoute, la Sylvalsung, elle sera pas compliquée. Je te passe un petit Chris Holmes pour en arriver à l'anecdote du concert. Ouais. On va rappeler juste qui c'est Chris Holmes. Donc, Chris Holmes, c'est l'ancien guitariste de chez Waps. Mm-hmm. Donc notre cher Blackie. Oui. Mais je crois que, juste à interrompre, oui. Je crois que c'est lui avec Blackie qui ont fondé Wasp, je crois. Hein. Il me semble, ouais, c'est, oui. C'est, après, bon. C'est les deux légendaires du groupe. Hein. Ouais, et après, c'est partant cacahuète, mais ça, ouais. C'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Mais enfin, je vais revenir là-dessus parce que. Donc, c'est à Roulers, Roselaar, en Belgique, chez De Verlicht Guest. C'est pas mal cette salle. Elle est plus agréable, genre fais un petit coup là, écoute, c'est pas mal du tout, c'est sympathique. D'accord. Donc, me voilà partie voir Chris Holmes. Écoute, tu sais qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le fameux sosie de Blackie. Ah oui, d'accord. Tu sais, ouais. Ce garçon vachement agréable qui travaille pour l'Alcatraz, je suppose. Ouais, ouais, c'est ça, qui est chauffeur pour les vedettes à l'Alcatraz. Je suppose que c'est ça. Ouais. Et bien sûr, bah, lui, il a repéré. Il a fait madérer trop Satanès, casse-toi. Donc, en fin de compte, il est parti avec lui dans sa loge, mais écoute, ils sont partis pas mal de temps. Et je crois qu'ils se sont fait vraiment. Écoute, des photos, mais méga délire. D'accord. À mon avis, ça va être publié certainement sur sa page dans quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours. Mm-hmm. Mais je pense, écoute, qu'il a bien rigolé avec ce garçon. Ouais. C'est vrai qu'il lui ressemble très fort, à part la taille. Mais écoute, je ne sais pas, parce que moi, je le trouve un peu plus gros quand même, le vrai Blackie. Ah oui, Blackie, il est bouffi. Hein. Il est plus gros corporellement. Ouais. Mais... plus gros, c'est péjoratif, je m'excuse. Mm-hmm. J'ai rien contre les gens bien moins chers, bien au contraire. Mmh. Mais bon, il a la tête plus... Hein, plus bouffie, hein, bah, à mon avis. On voit que de temps en temps, il doit avoir des injections autrement ouais. qu'ainsi. Hein. Mmh. Mais je veux dire, le sosie, il est, oui, oui, il est sosie, petit. Oui, il est petit. Puis, il a l'air sympathique. Ah oui, il rigole plus, tout le temps. Hein, oui, il rigole voilà. tout le temps. Donc, c'était ça l'anecdote. Et bah, lui, il est super gentil, hein, notre cher Chris Holmes. Ouais. Par contre, sa manager, qui est sa femme... Elle n'est pas très agréable. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'elle change. Ouais. Parce que bon, il faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de Chris Holmes. Bah. Et les envoyer un peu bouler comme elle fait, ouais. ça se fait pas trop, je trouve. Mm-hmm. Que t'es homme ou femme. D'accord. Parce que bon, ça n'a pas l'air d'être un homme hyper dragueur. Enfin, je ne sais pas, je connais sans plus, ça, maintenant. Moi, je te dis, la seule fois où je l'ai vu, c'était au Hellfest, il était abordable. Ah, mais j'ai pas fait attention s'il y avait j'avais pas fait attention s'il y avait quelqu'un derrière mais lui ou pas. Côté homme ou femme, elle t'en vaut carrément bouler. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi. Sinon, question spectacle, c'était bien que tu m'as dit, sauf pour les lights, c'est ça? Les lights, c'était l'horreur. Les lights, trop de couleurs, trop rouge, trop bleu, trop vert, donc tu sais pas faire de photos. D'accord. Et en fait, quand lui, il est difficile aussi à prendre en photo, il arrête pas de bouger. Donc au moment où tu veux le prendre en photo, même que t'es avec lui, stop, hop, il bouge. Stop, tu bouges plus. Tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, il va avoir un mouvement de tête ou je sais pas quoi, là, voilà. Est-ce qu'il est très, à mon avis, d'être très, très, très nerveux comme bonhomme. Ultra nerveux. Mais ça, c'est peut-être, à mon avis, Do You Remember les anciennes années. Hein. Peut-être aussi, mais alors, ultra nerveux, le gars. Voilà. Et donc... Par contre, il était très, très fatigué aussi. Ils sont plutôt alors jeunes. Ils font un tour européen, d'après ce que je suis en train de lire. Donc, moi, ils venaient de Finlande. Et, ben, écoute, ils étaient avec leur voiture personnelle. D'accord. Mais c'est pas des BM, ni des Mercedes, ni Cadillac, ni rien. Non, c'est des petites voitures. C'est hein. vraiment des petites voitures et des vieilles voitures. Ouais. Et oui, mais bon. Alors, j'ai eu l'impression qu'ils étaient très, très fatigués aussi. Lui, il arrêtait pas de se frotter les yeux. C'est ça, puis la fumée de cigarettes dans les clubs. Bah là, on fume pas. Ouais, bah, peut-être les lights, hein, les que ça lights, gratte, hein, peut-être, ça je sais fait, pas. Hein. Mais non, il a dit hein, qu'il était fatigué, il a dit je suis épuisé. D'accord, mais ça, on sort plutôt jeune non plus. Hein. Bah non, il est né en 1957. Donc ben, 10 ans de plus, bah, quoique, 57, ben, oui, ça fait 57 ans. Oui, il a l'âge à Nicky Six. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas si vieux que ça quand tu penses. Mais bon, c'est, on sait pas la vie qu'ils ont eue. Hein. Voilà, on dit sexe, drugs, rock'n'roll. Et cette époque-là, l'époque de Wasp, on peut dire que c'était vraiment... Ah ouais, là, c'était une sacrée époque. Hein, parce que c'est pour ça... L'époque qui lançait de la barbac ouais. Dans la foule. Et c'est pour ça que... Non, il est plus vieux, il a 59 ans. 59 ans. En 1957, il a 59 ans, donc il n'a pas l'âge à Nicky Six. Ouais. Et c'est pour ça que ouais. Blackie, il s'est repenti de toutes ses bêtises. Hein, parce que bon... Ah, bah, il peut encore se repentir, à mon avis. Voilà, oh oui. Alors, on va s'écouter dans le titre. Oui, donc Chris Holmes avec la chanson... Get With It. Voilà, très c'est bon album. Et c'est la Sylval 5 de ce soir. Voilà. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était Chris Holmes avec l'album que je ne reviens plus dessus. Sur la tranche, tu peux regarder sur la tranche, c'est plus facile. Ouais, Shitting Bricks. Mm-hmm. C'est marqué en petit, il faudra mettre ça plus grand. Hein. Et avec le titre Get With It. Ouais, non, c'était bien. Voilà. Là, comme je te disais hors studio, ça fait un peu la gamme des Motorhead, Black Label Society. Et compagnie, quoi. Mm-hmm. Et je pense que oui, il était marié avec Lita Ford. Ouais. Ben oui. Enfin, voilà. Ben, Lita Ford, que veux-tu? Allez. Ouais, si je te confirme. Lita Ford, il était marié avec elle? Ouais, ouais. Mmh. Eh ben, hein. No comment. Là, tu me déçois, Lita. Bon, il était pas mal aussi, non. Hein, lui. Moi, j'étais prétendant, hein. Ouais, dis bon, ça comme ça. Bah, tu me diras, à l'époque, je vois la photo, à l'époque, t'étais pas mal non plus, quoi. Allez, le prochain, on va s'écouter une personne qui a chanté avec Steve Vai, qui s'appelle Divine Townsend, et il a un nouvel album qui est arrivé qui s'appelle Transcendance, et on va s'écouter le titre Star de Divine Townsend Project. C'est tout de suite, c'est maintenant, on se retrouve tout de suite après. Yeah. Voilà, ce monsieur a chanté avec Steve Vai sur l'album Sex and Religion, Divine Townsend Project. C'était Star, extrait de l'album Transcendance, un album qui vient d'arriver. On parlait tout à l'heure des vieux groupes comme ça, de glams, de rock'n'roll, de heavy. Eh bien, il y a aussi le groupe Taiketo. Et eux, ils reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Rich. Et on va s'écouter Big Money. C'est un super bon groupe. Et eux, par contre, ils n'ont pas décidé d'arrêter ou de faire des tournées promotionnelles. Ils ont plutôt décidé de refaire un nouvel album. Et toujours plus ou moins dans ce qu'on était habitué à écouter. On va s'écouter donc Taiketo avec Big Money. Voilà, donc c'était le groupe Taiketo. L'album s'appelle Rich et c'était Big Money. Oui, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est notre Camco, tu vois. Voilà, alors le prochain, bah là on va partir un petit peu plus agressif avec le groupe Coroner, si tu te souviens bien. Et là, l'album. C'est des Allemands, là, je crois. Oui, l'album s'appelle Autopsy et on va s'écouter Reborn Through Hate. Et on se retrouvera tout de suite après. On partira après du côté de la Hongrie avec un groupe hongrois, fatalement, c'est la Hongrie, c'est un groupe hongrois, fatalement. Et que j'essaierai de dire le nom du groupe. Bien. Comme tu vois, Sylvain, il y en a des gens qui appellent Best Of, Greatest Hit, ouais, et Coroner appelle ça Autopsie. Autopsie du groupe, mais ça vient de sortir. Pourquoi j'ai oublié de le dire, mais ça sort aussi en DVD. Ouais, parce voilà. Que je l'ai ce morceau-là dans un de mes albums. Reborn to Hate, c'était Coroner. Voilà. Alors, et à un moment, j'étais fan de Coroner. Je t'imagine pas trop trashy, non, moi. Bah si, bah j'aimais bien, tu vois. Voilà. Alors le prochain, c'est un groupe hongrois. Le groupe, ça va. Il s'appelle Cool Head Clan. Par contre, le titre, ça doit être sûrement du hongrois, As Ingentlent Ut. Et on va s'écouter. Voilà, je vais même pas. Allez, je vais essayer de vous dire le nom de l'album. Benzin S. Vir. C'est tout ce que je peux vous dire. Je me suis pas encore mis au hongrois. Alors, on va s'écouter. D'accord. Et puis après, on se retrouve. Voilà, ça déboîte bien quand même, hein, le Cool Head Clan avec As Jetland Ut. Ouais, ça déboîte, c'est clair. Voilà, voilà c'est entre trashy et rock. Dans le vif du sujet, là. Voilà, ça déboîte bien, ce qu'on parlait justement de Pogo. Exactement. Oui, et là, le prochain, on va s'écouter Evil Inviders. Là, on a reçu le EP. L'album va arriver incessamment sous peu. L'album s'appelle In For The Kill. On va s'écouter As Life Slowly Fade. On se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Voilà, donc c'était Evil Invaders as Life Slowly Fade. Eh bien, Sylvain, il est bientôt l'heure de se quitter. Ah oui, déjà, ça passe très vite. Hein. Ah, 2 heures, ça passe vite. Avec bon. On a l'impression d'être voilà. Ici depuis 2 minutes. Ouais. On s'excuse beaucoup pour les Nightmares. Ouais. On va savoir exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont oublié ou peut-être qu'ils ont eu un impératif à la dernière minute. Ah oui. Voilà, peut-être un interview peut-être plus important, peut-être perte de téléphone ou peut-être autre chose. Peut-être le satellite mal raccordé, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Voilà. Par contre, nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, avec le Slasher. Et on aura des choses à vous dire sur The Agonist. Oui, de Dekron, Courtrai, Belgique, je rappelle, dimanche. Dimanche, allez-y. C'est une bonne petite sortie. En plus, c'est pas trop cher, 20 € le ticket. Une belle nana. Une belle nana à prendre en photo. Si Spider-Man, tu m'écoutes, s'il te plaît, laisse-moi l'approcher. Voilà. Je ne sais pas si manager ou autre, parce que c'est toujours ça aussi. Ouais, si des fois, on a quelques problèmes avec les managers, décidément. Hein. Décidément, surtout quand c'est des nanas qui chantent. Surtout quand c'est des nanas qui chantent. Écoute, non, moi j'avais le problème avec Zach Wall la première fois que j'ai vu. Mais toi, c'était un mec, c'est normal. C'était une nana avec un mec, et moi, c'est un mec avec une nana. Donc voilà. Moi, c'était le manager qui m'avait jeté la première fois. Et puis il s'est rattrapé. Ouais. Et là, ce week-end, c'est pas une femme que je me suis fait jeter, manageuse. Voilà, donc The Agonist, on y sera. Donc, si vous voulez voir l'équipe au complet de Rive d'Enfer, profitez-en. On sera là et on mettra même des flyers de la radio. Hein, parce qu'il n'y a pas que Rive d'Enfer, il y a plein d'autres émissions de tout style sur RQC. Et voilà, c'est une très bonne. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Et comme on a eu l'occasion d'avoir au Rimfest, c'est ça. On remercie les fans de nous arrêter, de dire que continuer comme ça, ça nous fait super plaisir. Qu'on nous reconnaisse via nos photos Facebook, ça nous touche du plus profond du cœur. Notre cœur. Voilà. Alors on va se quitter avec Gloryful, avec The Glorior. Très recherché d'ailleurs le titre. Gloryful, avec The Glorior. L'album s'appelle End of the Night. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Ciao. Et bien passez une bonne semaine. Oui. Et si vous sortez, sortez couverts. Your voice, raise your fist, and we will